الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفاه ومن أقرضه أعطاه ومن فوض الأمر إليه هداه ومن اعتصم به نجاه وصدق الله في قوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام Toutes les louanges appartiennent à Allah. Celui qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Celui qui n'a aucun associé en sa royauté. Et celui avec qui il n'y a aucune divinité. Celui en dehors de qui il n'existe nul seigneur et nul créateur. Et c'est lui qui mérite toutes sortes d'adorations et c'est pourquoi il décréta de n'adorer que lui. Et il en est ainsi car Allah, c'est lui la vérité. Et car tous ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que du faux. Et car Allah, c'est lui le très grand, le très haut. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Quiconque place sa confiance en Allah, quiconque place sa confiance en Allah, Allah le guidera. Et quiconque lui prête de bonne grâce, Allah lui rendra. Et quiconque s'accrochera à Allah, Allah le sauvera. Et quiconque lui confiera son sort, Allah le guidera. Et Allah est certes véridique lorsqu'il nous dit « Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien ?» Et il t'effraie par ceux qu'ils invoquent en dehors de lui. Et quiconque Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et quiconque Allah guide ne sera point égaré. Allah n'est-il pas le puissant et le détenteur du pouvoir de châtier ? وأشهد أن حبيبنا ونبينا وسائدنا وسيدنا وقائدنا محمد رسول الله وصفوته من خلقه وخليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول والقلوب وفتح الله به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Allah Jalla wa Ala l'a envoyé comme miséricorde au monde entier. Et il a ouvert par sa cause et par son intermédiaire des poitrines à l'islam. Et il a ainsi, par sa cause et par sa volonté, tabaraka wa ta'ala, ouvert des yeux qui ne voyaient point, et des oreilles qui n'entendaient guère, et des cœurs plongés dans les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. أيها الإخوة الكرام، ceci est notre 24e rencontre parmi les rencontres de cette noble série مراحل الدار الآخرة, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes lors de nos deux derniers discours évoqué et commenté et expliqué les petits signes de la fin du monde qui ont déjà eu lieu. من علامات الساعة الصغرى. Et nous aurons بإذن الله جل وعلا rendez-vous aujourd'hui, أيها الإخوة, avec les petits signes de la fin du monde qui n'ont pas encore eu lieu et qui ne sont pas encore arrivés. التي لم تقع. فمن علامات الساعة الصغرى التي لم تقع. Parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, أيها الإخوة الكرام, le fait que la presqu'île arabe devienne verte et abondante en eau, c'est-à-dire riche en herbage et en verdure et en rivière, après avoir été un désert aride et plein de sécheresse. Comme il a été rapporté, un hadith par l'imam muslim, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne se lèvera que lorsque l'argent sera tellement en abondance que son propriétaire ne trouvera personne qui acceptera son aumône, et que lorsque la presqu'île arabe devienne verte et abondante en eau, c'est-à-dire riche en verdure, en herbage, en végétation et en rivière. Et les savants de la biologie et parmi eux, الشيخ زندني حفظه الله تعالى nous dit qu'en ce moment même les icebergs s'avancent en direction de la presqu'île arabe et de la péninsule arabique. Ils s'avancent en direction de la presqu'île arabe et ils seront ainsi la cause de pluie et de fonte de glace et d'eau et de beaucoup de biens qui seront la cause de la germination et de la pousse et de la culture, de plantation, de végétation et également de fruits. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Et Allah est capable de toutes choses. Alayhi sallahu yaqul. Allah ne nous a-t-il pas dit: Alam tara anna Allah anzala min as-samaa'i ma'an fa tusbihu al-ardu mukhdarra? N'as-tu pas vu qu'Allah jalla wa ala fait descendre du ciel de l'eau et la terre devient alors verte? Inna Allah latifun khabir. Certes, Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. L'heure ne se lèvera que lorsque la presqu'île arabe redevienne verte et abondante en eau, après être demeurée un désert aride et plein de sécheresse. Elle deviendra une terre abondante en eau et d'ombre, sans plaine et sans relief, et pleine de végétation et d'irrigation. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés et qui vont sûrement arriver au nord de la péninsule arabique, et très exactement en Irak, et très exactement en Irak, au niveau du fleuve d'Al-Furat, le fleuve de l'Euphrate, comme nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam a dit, l'heure ne se lèvera pas avant que le fleuve de l'Euphrate ne laisse apparaître un monticule en or, sur lesquels les gens s'entretireront afin de s'en emparer. De chaque centaine d'hommes, 99 seront tués, et chacun d'entre eux espérera en disant, peut-être serai-je le survivant. le fleuve de l'Euphrate laissera apparaître un monticule en or. Et dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, le fleuve de l'Euphrate ne tardera pas à laisser apparaître un trésor en or, que ceux qui seront vivants à son époque n'en prennent rien. Ceux qui seront vivants à son époque, qu'ils n'en prennent rien. Ainsi l'heure ne se lèvera que lorsque ce fleuve laissera apparaître un trésor sur une petite montagne en or. Wal-imam al-Nawawi rahimahullah nous explique en nous disant que le fleuve de l'Euphrate al-Furat a une voie et un trajet et une trajectoire qui ne cesse de se modifier pour une cause ou pour une autre. Et le jour où arrivera ce signe, le fleuve aura changé de trajectoire et laissera ainsi apparaître ce trésor en or. Et les gens qui vivront à son époque, qu'ils n'en prennent rien, car ils auront l'interdiction de la part du messager d'Allah et alayhi salat wa salam de s'en emparer. Pourquoi ? Pour éviter le trouble, et pour éviter la tentation, et pour éviter la corruption et le désordre, et pour ne pas s'entretuer les uns contre les autres. Et pour ne pas s'entretuer les uns contre les autres. Et ainsi ils auront l'interdiction de s'en emparer, car ce trésor appartiendra à ses propriétaires et à ses héritiers, et ce n'est pas le pétrole comme ont prétendu certaines personnes. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, le fait que les musulmans combattent les ennemis des prophètes. Comme il a été rapporté par l'imam muslim également, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'heure ne se lèvera pas avant que les musulmans ne combattent les ennemis des prophètes, et les musulmans les tueront à un tel point que l'un d'eux se réfugiera derrière une pierre ou un arbre, et cette pierre et cet arbre appellera en s'écriant et appellera les musulmans en leur disant, « Ya muslim, ya Abdallah, ô toi musulman, ô toi serviteur d'Allah, en voilà un qui se cache, venez le tuer. » Tous les arbres témoigneront et tous les arbres parleront, excepté Al-Gharqad, et cet arbre sera l'arbre de ses ennemis. L'heure ne se lèvera pas avant que les musulmans ne combattent les ennemis des prophètes. Et Allah Jalla wa Ala les honorera en leur donnant une victoire éclatante, à un tel point que ceux-ci fuiront et iront se réfugier derrière la pierre ou l'arbre. Mais la pierre et l'arbre témoignera devant Allah Azza wa Jal et s'adressera aux musulmans et les appellera par leur nom de la religion en leur disant « Ya Muslim, Ya Abdallah » et elles ne diront pas « Ya Arab » ou bien « Ya Qawmi » et elles ne les appellera pas par leur nom de leur tribu ou de leurs ethnies. « Ya Muslim, ô toi musulman, viens chercher et viens voir et viens tuer celui qui se cache derrière moi. » Et tous les arbres témoigneront et tous les arbres parleront excepté Al-Gharqad, qui est l'arbre de ses ennemis. Et vous serez étonnés, ayyuha al-ikhwatul kiram, si nous vous disons que ses ennemis, les ennemis des prophètes, connaissent et croient et comprennent mieux ce hadith que beaucoup de nos frères musulmans. Et ils sont en ce moment même en train de faire répandre une campagne de plantation de cette sorte d'arbre afin de se cacher derrière lorsque le jour arrivera. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, ayyuha al-ikhwatul kiram, le fait qu'Allah Jalla wa Ala donne le pouvoir aux animaux de parler et fasse également que certains objets inanimés s'adressent aux gens. Un miracle de la part d'Allah Azza wa Jal. Et la preuve en est, ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentifiée par Sheikh al-Albani, selon Abi Saïd ibn al-Khudri radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Walladhi nafsi biyadih » par le nom de celui qui tient mon âme dans sa main, l'heure ne se lèvera pas avant que les animaux prédateurs s'adressent aux gens. Et à un tel point que même le bout du fouet et les lacets des chaussures s'adresseront aux gens, et jusqu'à ce que leurs jambes leur informent ce que leur famille aura commis. Naam, ayyuhal ikhwa, certains animaux prédateurs s'adresseront aux gens, et certains objets inanimés s'adresseront également aux gens, et cela prouvera la prophétie du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et certes, à l'époque du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, certains animaux prédateurs ont déjà parlé, et ont prouvé la prophétie du prophète, alayhi salatu wassalam, comme il a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique. Selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abi Hurayra radiallahu anhu nous dit, un jour un loup est venu et s'est dirigé vers un berger et s'est emparé de son mouton et pris la fuite. Puis le berger le poursuivit jusqu'à récupérer son mouton. Et alors le loup monta sur une colline, se posa sur le sommet de cette colline et s'adressa au berger et lui dit, tu as volé une subsistance qu'Allah Jalla wa Ala m'avait donnée. Et alors le berger étonné lui dit, quelle chose étrange, un loup qui parle. Et le loup lui répondit, il y aura une chose plus étrange que celle-là. Et il y a une chose plus étrange que celle-là. Un homme situé dans une ville pleine de palmiers, entre deux villes pleines de pierres, et cet homme vous informera du passé et du futur. Ce loup a approuvé et a justifié et a déclaré véridique la prophétie du messager d'Allah et alayhi salatu wassalam, ainsi que sa véracité. Et ce berger était juif, et il alla voir le messager d'Allah et alayhi salatu wassalam afin de lui informer de ce qui s'est passé. Et alors le prophète sallallahu alayhi wasallam lui dit, tel est un signe parmi les signes du jour du jugement, jusqu'à ce que l'homme, lorsqu'il rentrera chez lui, ses chaussures et son bout de son fouet lui parlera et lui informera de ce que sa famille aura commis avant lui. L'heure ne se lèvera pas avant qu'Allah Jalla wa Ala fasse que les animaux prédateurs et les objets inanimés s'adressent aux gens. وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ السُّغْرَةِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, ayyuhal ikhwa, le gonflement et la dilatation des croissants de lune. Comme il a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam al-Tabarani et authentifié par Sheikh al-Albani, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, parmi les signes de l'approche du jour du jugement, le gonflement des croissants de lune, jusqu'au point où lorsque les gens verront la lune de la première nuit, ils diront que c'est un croissant de lune de deux nuits. وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ السُّغْرَةِ الَّتِي لَمْ تَقَعْ. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, que les gens ne trouvent pas d'imam pour diriger la prière. Que les gens ne trouvent plus d'imam pour diriger la prière. Comme il a été rapporté par l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, un hadith selon Salamata bint al-Hurri radiallahu anha. Celle-ci nous dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit, parmi les signes de l'heure suprême, le fait que les gens se poussent pour l'imam, c'est-à-dire pour diriger la prière, jusqu'à ce qu'ils ne trouvent aucun imam pour diriger la prière. Mais à notre époque, walillahilhamd, les mosquées sont encore remplies et les cœurs des croyants sont encore remplis de Qur'an. Et ils récitent encore le Qur'an comme il le faut, walillahilhamd walminna. Wa min alamati sa'ati sughra. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, ayyuhal ikhwa, la grande bataille et la conquête de Constantinople. Et cette grande bataille, comme nous l'a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, se passera entre les musulmans et les romains. Et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam l'a nommé comme une grande bataille ou comme une grande mêlée. Et il nous raconte comment cela va se passer dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, le peuplement de Bayt al-Maqdis sera suivi de la désolation de Yathrib, c'est-à-dire d'Al-Madinah, qui sera suivi de l'apparition de la grande bataille, qui sera suivi de la conquête de Constantinople, qui sera suivi de l'apparition d'Al-Masih al-Dajjal. Le faux messie, ce que les chrétiens appellent l'antéchrist. Et ainsi le prophète alayhi salat wa salam nous a informé que ce sera une grande bataille entre les musulmans et les romains. Mais certes, ce sont les musulmans qui gagneront par la grâce et la volonté d'Allah Azza wa Jal, car ils auront une armée parmi les meilleures armées de l'époque. Et cette armée aura comme base et comme endroit de regroupement un endroit proche de la ville de Damas, Dimash, en Syrie. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud. Avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Darda radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam a dit, la base, c'est-à-dire l'endroit de regroupement des musulmans le jour de la grande bataille, sera dans un endroit qui s'appelle El Ghouta, à côté d'une ville parmi les grandes villes de Syrie, qui s'appelle Damas, Dimash, et elle sera parmi les meilleures villes de Syrie. Et ainsi l'armée musulmane se regroupera et se basera dans cet endroit El Ghouta, un endroit connu et proche de Dimash. Et Allah Jalla wa Ala Azza wa Jal honorera cette armée par la victoire. Et le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous a informé qu'entre la grande bataille et la conquête de Constantinople se passeront 6 années. Et que Al-Masih al-Dajjal, le faux messie, apparaîtra la 7e. Comme il a été rapporté par l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, entre la grande bataille et la conquête de Constantinople se passera une période de 6 années, et le faux messie Al-Masih al-Dajjal apparaîtra la 7e. Et certes aura lieu la conquête de Constantinople, mais vous pouvez vous demander, ayyuhal ikhwatul kiram, que représente actuellement la ville de Constantinople? Eh bien, la ville de Constantinople représente actuellement la ville d'Istanbul, la capitale de Turquie, cette capitale arrogante et orgueilleuse qui ne cesse et qui n'a cessé de combattre et de combattre les lois d'Allah et Azza wa Jal. Naam, jour et nuit, cette capitale que les musulmans ont essayé de conquérir lors de la première génération et où est mort un compagnon très noble martyr, Abu Ayyub ibn al-Ansari radiallahu anhu. Cette capitale qui appartenait aux chrétiens, mais Allah a destiné un homme afin de la conquérir, Muhammad al-Fatih rahimahullah, l'année 850 de l'Hijra. Mais Al-Khalifa et le pouvoir de cette capitale est tombé. Elle est tombée à cause d'un homme pervers sous le nom de Mustafa Kemal Atatürk, celui qui a fait tomber la succession et qui a changé la langue du Coran et la langue arabe par des lettres latines. Cette personne qui a combattu Allah et Azza wa Jal, et cette capitale orgueilleuse sera conquise. Et vous serez étonnés si je vous dis et si nous vous disons qu'elle sera conquise sans armes et sans guerre, ni violence, ni bataille, ni sang, mais avec la ilaha illallah. Et le plus étonnant est que ceux qui la conquériront seront des Européens musulmans. Des Européens musulmans à la peau blanche et aux yeux bleus qui vont la conquérir, comme nous a informé le meilleur des prophètes, alayhi salat wa salam. Et la preuve en est un hadith authentique dans le meilleur recueil, le plus authentique après celui d'Al-Imam Al-Bukhari. Le recueil authentique de l'imam muslim dans le 17e tome, dans le livre des signes de l'heure et des troubles, selon Abi Hurayrat radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dit un jour à ses compagnons, connaissez-vous une ville dont une partie est tournée vers la mer et l'autre vers la terre? Les compagnons radiallahu anhum lui dit, Naam ya Rasulallah. Puis il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne se lèvera pas avant que cette ville ne soit envahie et conquise par 70 000 personnes parmi Bani Ishaq. Et ce sont les Européens à la peau blanche et aux yeux bleus. L'heure ne se lèvera pas avant que cette ville ne soit envahie par 70 000 personnes de Bani Ishaq. Mais ils ne vont pas combattre, et ils ne jetteront aucune flèche, et ils n'utiliseront pas leur sabre, mais ils diront « La ilaha illallah wa Allahu Akbar ». Et le côté qui sera tourné vers la mer tombera. Puis ils diront une deuxième fois « La ilaha illallah wa Allahu Akbar ». Et la ville sera conquise, et ils la conquerront. Et pendant qu'ils seront en train de se répandre et de se partager les butins, et pendant qu'ils seront en train d'accrocher leurs sabres aux oliviers, un annonceur s'écriera en hurlant et en disant « Al-Masih al-Dajjal est sorti ! » Al-Masih al-Dajjal est apparu. Et alors ils délaisseront et ils abandonneront tout et ils se réfugieront et ils se regrouperont dans leur base à Dimashq. Un hadith authentique, wallah, et qui a atteint le degré le plus haut d'authenticité. Et ainsi l'heure ne se lèvera pas, et elle ne se lèvera que lorsque Constantinople sera conquise par des gens de Bani Ishaq, par des Européens musulmans. Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah nous dit à ce sujet que ce hadith prouve que les Européens musulmans et que les Européens et certes les Romains se convertiront à l'islam même à la fin des temps. Et ainsi cette capitale de Turquie sera conquise par les Européens, par cette armée véridique de gens qui se seront convertis à Allah et Azza wa Jal, qui auront la peau blanche et les yeux bleus, qu'Allah et Azza wa Jal l'aura remplacé et qu'Allah et Azza wa Jal l'aura mis à la place du peuple des Arabes qui auront délaissé leur religion. Walillah wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alayhi sallahu yaqul. Allah n'a-t-il pas dit Ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allah biqawm فسوف يأتي الله بقوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Ô vous les croyants, quiconque parmi vous sort de sa religion, Allah fera venir un autre peuple qu'Allah aime et qui eux aiment Allah, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Ils lutteront dans le sentier d'Allah et ne craigneront aucun blâme d'aucun blâmeur. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Et telle est la grâce d'Allah à qui il donne à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. أليس الله يقول. Allah n'a-t-il pas dit وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لم يكونوا أمثالكم ثم لا يكونوا أمثالكم. Et si vous vous détournez, Allah vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront point comme vous. Allah Jalla wa Ala remplacera ainsi les Arabes par les Européens musulmans. Et aujourd'hui, ayyuha l'ikhwa, chaque jour et chaque nuit, nous voyons et nous entendons des Européens se convertir à la religion d'Allah et Azza wa Jal, des Européens revenir vers leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, malgré les gens qui osent et qui veulent détourner les gens de la religion d'Allah. Malgré que l'on veuille écarter les gens du chemin d'Allah et Azza wa Jal, malgré les médias qui mesurent à leur façon et qui déforment l'image immense et belle de l'islam, malgré tout cela, ils rentrent dans la religion et ils se convertissent hommes et femmes. Et ce sont eux qui conquiront Constantinople avec la promesse de la meilleure des créatures, alayhi salatu wa salam, et avec l'autorisation et la volonté d'Allah et Azza wa Jal, le Seigneur des créatures. Et ce, comme nous l'avons dit, sans armes, sans violence. Ni combat, ni flèche, ni sabre, mais avec la ilaha illallah, la phrase du monothéisme et l'attestation de l'unicité de la foi et de la croyance. Inna la ilaha illallah, la phrase pour laquelle Allah Jalla wa Ala a fait descendre les livres sacrés, la phrase pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé prophètes et messagers. Inna la ilaha illallah, la phrase pour laquelle Allah a créé paradis et enfer, et pour laquelle Allah a créé sa créature et l'a divisée en deux clans, musulmans et mécréants, pieux et pervers. Inna la ilaha illallah, l'attestation de monothéisme et de foi et de croyance, la phrase qui aura enfoncé les trônes des Césars et qui aura renversé la tête des rois réfracteurs. Inna la ilaha illallah, la phrase qui aura fait trembler les châteaux des orgueilleux. Et ainsi Constantinople sera conquise par cette phrase et par ce témoignage. La ilaha illallah. Et ceci prouve que cette ville n'est pas basée sur les bonnes bases. Cette capitale qui ne cesse de combattre Allah jour et nuit, et qui a rejeté les lois d'Allah et Azza wa Jal, et qui a remplacé la langue du Coran, et qui a combattu les bien-aimés awliya Allah, hommes et femmes. Cette grande capitale qui a osé s'enfler d'orgueil envers la religion d'Allah et envers son Seigneur Jalla wa Ala, Allah tabaraka wa ta'ala renversera leur tête et les humiliera par une seule phrase. La ilaha illallah wa lillahi alhamdu wal minnah. Wa min alamati sa'ati sughra allati lam taqa'. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, le fait que les tentations et que les guerres se multiplient et se propagent. et tous les croyants partiront vers la Syrie. La Syrie que le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué Allah jalla wa ala, afin qu'Allah mette la bénédiction à cet endroit. Car un jour, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui a demandé, « Ya Rasulallah, quel pays me conseilles-tu » C'est-à-dire, il lui a demandé de lui citer un pays où vivre que lorsque les tentations se propageront. Et il lui répondit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui fit signe vers là-bas, en lui montrant la Syrie. Et ce hadith est rapporté par l'imam au Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, selon Bahz ibn Hakim radiallahu anhu, selon son père, selon son grand-père. Mais le hadith a une condition, que la corruption, et que le mal, et que la désobéissance ne se propagent pas dans les gens de Syrie. Comme dans le hadith rapporté par l'imam au Tirmidhi, avec une chaîne de transmission Hassanun Sahih, selon Qurrah ibn Iyas radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, si les gens de Syrie se corrompent, il n'y aura pas de bien en vous. Et il y aura certes toujours un groupe de ma communauté victorieux, sans que ceux qui veulent les contrarier puissent leur nuire. Sans que ceux qui voudront les contrarier puissent leur nuire. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Hakim, qui lui-même l'a authentifié, sous les conditions d'Imam al-Bukhari et l'imam muslim, et confirmé par l'imam al-Dahabi, selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, viendra une époque où il n'y aura aucun croyant, sauf qu'il sera parti en Syrie, afin de s'y réfugier de toutes les tentations. Wa min alamati sa'ati sughra. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, l'apparition d'un homme d'une tribu arabe. Un homme autour duquel les gens se mettront d'accord sur lui, afin qu'il soit leur roi, leur chef et leur gouverneur. C'est un homme vertueux, libre et non esclave, et qui viendra d'une région qu'on appelle Qahtan, comme il a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, l'heure ne se lèvera que lorsqu'un homme apparaîtra de Qahtan et régnera les gens avec son bâton. Et ce sera un homme vertueux qui régnera les gens avec son bâton. Et l'imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit, en nous expliquant cela, et il nous dit que le bâton a été cité dans le hadith, et ceci est une preuve qu'il sera dur, fort et sévère envers les gens, afin que ceux-ci suivent les prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Cet homme fera partie de la tribu de Qahtan, qui est une tribu connue même aujourd'hui dans la presqu'île arabe. Et l'imam al-Bukhari rapporte selon Muawiyah, radiallahu anhu, car celui-ci, ce hadith lui avait posé un problème, car lui a rapporté un autre hadith et il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, le pouvoir de la presqu'île arabe sera toujours à Quraysh. Et quiconque désirera leur partager, Allah le renversera face contre terre, afin qu'ils suivent les prescriptions de la religion. Et l'explication entre ces deux hadiths est que certes le pouvoir restera à Quraysh, tant qu'ils suivront les prescriptions d'Allah, et que personne ne pourra leur partager ce pouvoir, comme a dit l'imam al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah. Mais lorsque le pouvoir de Quraysh et lorsque le fait de suivre les prescriptions d'Allah s'affaiblira, et lorsque les gens auront négligé et relâché leur religion, et lorsqu'ils laisseront passer la religion et les ordres d'Allah jalla wa ala, eh bien le pouvoir et el khalifa leur passera sous leur nez, et elle passera vers d'autres tribus, et parmi ceux qui auront ce pouvoir et ce royaume, cette personne vertueuse de la tribu de Qahtan. Comme on vient d'entendre dans le hadith, l'heure ne se lèvera pas avant que lorsqu'un homme apparaîtra de Qahtan et régnera les gens avec son bâton. Et cet homme sera vertueux, et Allah Jalla wa Ala donne la royauté à qui il veut. Fa inna Allah huwa malikul muluk wa huwa malikul mulk yu'ti al-mulka man yasha wa yanzi'u al-mulka mimman yasha. Il donne la royauté à qui il veut et il la ôte et il l'enlève de qui il veut. Wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihi al-khayr wallahu ala kulli shay'in qadir. Et il donne la puissance à qui il veut et il humilie qui il veut, et le bien est entre ses mains et c'est lui qui est capable de toutes choses. As'alullah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah jalla wa ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes qu'il fasse que l'on soit, qu'il fasse que l'on entende ce qui est utile pour nous, et que ce soit une preuve pour nous et non contre nous le jour du jugement. Innahu waliyudhalika walqadiru alayhi wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، من علامات الساعة الصغرى التي لم تقع، parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés et dont nous a informé celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, Rasulullah alayhi salatu wassalam, le fait que certaines tribus musulmanes appartenant à la communauté musulmane aillent rejoindre les associateurs et que les idoles soient adorées. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ كَاللَّهِ nous préserve du shirk, qu'Allah nous préserve de l'association. Et la preuve en est un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique selon Thawban radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: l'heure ne se lèvera pas avant que certaines tribus de ma communauté, c'est-à-dire de la communauté musulmane, de ma communauté, ne rejoignent les associateurs al-mushrikin, et jusqu'à ce que les idoles ne soient adorées. وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ السُّغْرَى الَّتِي لَمْ تَقَعْ. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, l'apparence de trois tentations et de trois troubles que le prophète alayhi salatu wassalam nous a nommés. Le premier sera la tentation d'Al-Ahlas. Al-Ahlas. Et le deuxième, Al-Dahma. Et le troisième, Al-Duhayma. Al-Ahlas signifie en arabe les couvertures et la housse du cheval qui se trouve sur le dos du cheval. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé ainsi? Il l'a nommé ainsi pour nous dire et pour nous affirmer et pour nous informer que cette tentation sera très proche et très collée aux gens et aux musulmans. Wal imam al-Khattabi rahimahullah nous dit que le fait que le prophète alayhi salatu wassalam l'ait nommé ainsi nous prouve la preuve de sa gravité et de son obscurité. Et la preuve en est le hadith rapporté par l'imam al-Hakim et authentifié par Sheikh al-Albani. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, celui-ci a dit: nous étions assis autour du messager d'Allah alayhi salatu wassalam et nous évoquions les troubles et les signes de la fin du monde. Jusqu'à ce qu'il ait cité la tentation de l'Ahlas. Et alors quelqu'un dit: ya Rasulallah, qu'est-ce que la tentation de l'Ahlas? Il dit alayhi salatu wassalam: c'est la tentation de harbun wa harb, de guerre et de fuite. Et les savants, rahimahullah, ont expliqué cela en disant: ceci sera la perte de la famille et de l'argent. La perte de la famille et de l'argent. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, dit: et ensuite il y aura une tentation d'assara. Et sa cause, elle sera causée par une personne de ma famille qui prétendra être de moi et qui prétendra être un prophète, alors que mes alliés ne sont que les pieux. Puis les gens se mettront d'accord. Puis les gens se mettront d'accord en cherchant qui est cette personne. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit: et ensuite apparaîtra la tentation d'Ad-Duhayma, qui ne laissera personne de cette communauté sans lui donner un coup, et qui, lorsque les gens croiront qu'elle sera partie, elle s'étalera et elle se propagera parmi les gens, jusqu'à ce que la personne se lève le matin croyante et devienne le soir mécréante. Na'am. Et jusqu'à ce que les gens se divisent en deux groupes clairs. Un groupe de croyants sincères et véridiques, sans hypocrisie, et un groupe d'hypocrites sans croyance. Et lorsque ce jour arrivera, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et lorsque ce jour arrivera, attendez l'apparition d'Al-Masih al-Dajjal, du faux Messie, le jour même ou bien le lendemain. Le jour même ou bien le lendemain. وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ السُّغْرَى. Et parmi les petits signes de la fin du monde, et je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il fasse que l'on ne soit pas parmi ceux qui vivent à ce moment, le fait qu'il n'existe sur terre ni prière, et ni jeûne, et ni adoration, et ni Qur'an. Et la preuve en est ce qu'Al Imam Ibn Majah a rapporté, et que Sheikh Al-Albani a authentifié, un hadith selon Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam disparaîtra, l'islam disparaîtra, l'islam s'effacera comme s'use la couture des vêtements, jusqu'à ce que l'on connaisse ni jeûne, ni prière, ni adoration, et que le livre d'Allah azza wa jal disparaisse en une nuit, jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun verset sur terre. Et ainsi le Coran s'effacera. Et le Coran disparaîtra, mais comment il disparaîtra? Il disparaîtra des livres et des poitrines. Il disparaîtra des livres. Et il disparaîtra également du cœur des croyants. Et ainsi jusqu'à ce qu'il ne reste aucun verset sur terre. Et jusqu'à ce qu'il reste que des gens ignorants, comme le vieil homme et la vieille femme, qui diront: on a aperçu et on a entendu nos ancêtres dire la ilaha illallah et on a répété. Na'am, il n'y aura que des ignorants, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve et nous préserve de cette époque. Mais alhamdulillah, c'est loin de se passer encore, car l'islam aujourd'hui, walillahilhamd, se propage avec sa lumière et fait retourner l'humanité à son Seigneur et Azza wa Jal, et ramène les cœurs pour les diriger vers le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Wa min alamati sa'ati sughra, et parmi les petits signes de la fin du monde, ayyuha ikhwa, qui ne sont pas encore arrivés, une tentation qui s'emparera des Arabes par la mort et la destruction. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Bukhari, selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il y aura une tentation qui s'emparera des Arabes, dont les morts et les tués seront en enfer, et la langue et la parole sera plus dure que l'effet du sabre. Il n'y aura aucun bien sur eux et dans leur personne. Les gens qui seront tués de ces Arabes seront destinés en enfer. Et ce sera une tentation qui se passera et qui sera destinée aux Arabes. Mais à notre époque et aujourd'hui, les Arabes sont nombreux et nous demandons à Allah Jalla wa Ala qu'il les corrige et qu'il fasse qu'ils reviennent à leur religion. Et parmi les petits signes de la fin du monde qui ne sont pas encore arrivés, la mort de certaines personnes vertueuses, la mort des gens vertueux, comme il a été rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit: les hommes vertueux disparaîtront, l'un après l'autre, et il ne restera que des personnes qui ne ressembleront qu'au reste de l'orge et des dattes. Allah ne leur donnera aucun intérêt. Les hommes vertueux disparaîtront, et cela a posé un problème à Aïcha radiallahu anha, et elle s'est posé la question, et elle a questionné le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Elle lui a dit: ya Rasulallah, périrons-nous donc tous, alors qu'il y a parmi nous des gens pieux et vertueux? Et alors il dit sallallahu alayhi wa sallam: oui, lorsque le mal se répandra. Lorsque le mal se répandra, ayyuha l'ikhwa, et lorsqu'il y aura des tentations aussi obscures que les ténèbres de la nuit, la tentation d'Al-Ahlas, et la tentation d'Ad-Dahma et de Sara, et la tentation de Duhayma, ainsi que la tentation qui s'emparera des Arabes par la destruction et la mort, et les troubles qui toucheront les musulmans et qui feront qu'il n'y aura ni prière, ni jeûne, ni adoration et ni Qur'an. As'alullah jalla wa ala. Je demande à Allah jalla wa ala qu'il fasse, qu'il ne nous montre de ces signes que ceux qui sont bien et qu'il nous écarte de ces mauvais signes. Innahu wa liyudhalika wal qadiru alayh. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha l'ikhwatul kiram. Nous avons consacré 3 discours afin d'énoncer les petits signes de la fin du monde. Non seulement des signes qui prouvent et qui confirment la prophétie du messager d'Allah alayhi salatu wa salam, mais également des signes qui alertent et qui avertissent de l'approche du jour du jugement dernier et de la proximité de l'heure de la résurrection, afin que les gens s'y préparent et afin que les gens retournent et reviennent vers leur Seigneur et se repentissent vers Allah et Azza wa Jal. Alors est-ce que l'on va se repentir? Et est-ce que l'on va revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala? Ou bien allons-nous juste se contenter d'écouter ces hadiths, ces versions authentiques, afin qu'ils soient pour nous qu'une culture générale, ou bien de la curiosité de la science? Ayyuha al-ikhwa, ces discours seront un argument et une preuve pour nous ou bien contre nous. Si l'on suit les prescriptions d'Allah, et si l'on obéit à Allah, et si l'on s'éloigne des interdictions d'Allah et Azza wa Jal, elles seront pour nous, bi'idhnillahi azza wa jal, une preuve et un argument et des témoins. Mais si c'est le contraire, wal'iyadhu billah, si nous nous contentons de s'enorgueillir envers Allah azza wa jal, et de négliger la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et wallahi, ce discours et ces signes de la fin du monde seront des preuves contre nous, et des arguments contre nous, et des choses qui témoigneront contre nous auprès d'Allah azza wa jal. Ayyuhal ikhwa, nous devons avoir la ferme résolution, et nous devons mettre dans notre esprit que nous ne sommes certes qu'à deux portées d'arc du jour du jugement, très proche du jour du jugement et très proche de l'heure de la résurrection, et que tout ce qui arrivera au fur et à mesure sera de plus en plus proche, et que la chose que l'on attend la plus est la mort. Alayhi sallahu yaqul, Allah ne nous a-t-il pas dit « وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ » Et nous n'avons donné à aucune autre créature avant toi l'éternité. Si toi tu meurs, est-ce que eux ils seront éternels? Et wallah, si Allah Jalla wa Ala aurait donné l'éternité à une seule créature, il l'aurait donné à Rasulullah alayhi salatu wa salam. Et certes, celui-ci également est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Kullu nafsim da'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa nabluukum bi sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Et nous vous éprouverons par le mal et par le bien de la tentation, et c'est vers nous que vous serez retournés. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. Et la mort apparaîtra avec vérité, voilà ce dont tu t'écartais, et on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Ayyuha l'ikhwa, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, pendant trois discours nous avons ainsi parlé des petits signes de la fin du monde. Alamati sa'ati sughra, et bi'idhnillahi jalla wa ala, par la volonté d'Allah azza wa jalla et son soutien et sa grâce. Et nous le demandons qu'il nous accorde les efforts, la sincérité, qu'il nous guide vers la vérité. Nous aborderons bi'idhnillahi jalla wa ala dès la semaine prochaine. Alamati sa'ati al-kubra, les grands signes de la fin du monde, et nous commencerons par le premier, qui est certes l'apparition d'Al-Mahdi ul-Muntadhar, le guidé attendu. فَأَسْأَلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى. Et j'implore Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits et ses attributs sublimes, qu'il nous accorde la sincérité et qu'il nous guide vers la vérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il fasse que l'on soit ceux qui écoutent la bonne parole et qu'ils retiennent celle et ceux qui contiennent de meilleurs. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ce sont eux qu'Allah a guidés, ce sont eux les doués d'intelligence. Et je demande à Allah Jalla wa Ala, et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je tiens à demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier, et notre dernière invocation. Que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.